الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 58 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Al-Furqan bayn Awliya al-Rahman wa Awliya al-Shaytan, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et on est arrivé à l'endroit dans le livre où le Cheikh il explique maintenant les versets dans Sourate An-Nisa, les versets 60 à 65. Donc on a expliqué jusqu'à maintenant à l'endroit où le Cheikh il mentionne l'explication فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. Ça c'était l'autre verset. يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. أمر الله بالكفر بالطاغوت قال عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله لأن من شرط الإيمان بالله الكفر بالطاغوت والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا يعني أمرهم الله أن يكفروا بالطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ومع هذا يريدون أن يتحاكموا إليه. يريدون الشيطان يعني يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ويريد الشيطان إبليس لعنه الله وكذلك أتباع الشيطان من شياطين الإنس والجن أن يضلهم ضلالا بعيدا أي يبعدهم عن الحق وعن الإسلام ضلالا بعيدا لا نهاية لبعده يعني ضلال بعيد أيضا. فالذي يؤثر الحكم بالطاغوت على الحكم بالإسلام قد ضل ضلالا بعيدا عن الهدى بعيدا عن الإسلام بعيدا عن الإيمان بالله كل أنواع البعد. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا فأطاعوا الشيطان ولم يطيعوا أمر الله الذي أمرهم أن يكفروا بالطاغوت. انظر أطاعوا الشيطان ولم يمتثلوا أمر الله الذي أمرهم أن يكفروا بالطاغوت ومع هذا يدعون الإيمان. Donc, on va expliquer ce passage-là. Le Cheikh, il explique, il dit, donc, que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ils veulent juger par le Tahout, alors que c'est en celui-ci qu'on leur a ordonné de ne pas croire ou de le rejeter, hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc, leur a ordonné de renier le Tahout, et il explique dans l'autre verset, dans Surat al-Baqarah, verset 256, quiconque renie le Tahout alors qu'il croit en Allah, alors il s'est certes accroché à l'anse la plus solide qui ne se brise pas. Et Allah est certes audient et omniscient. Et le Cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait précéder le fait de renier le Tahout avant le fait de mentionner la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est une condition dans la foi en Allah subhanahu wa ta'ala que de renier le Tahout. Et donc la condition, elle doit avoir précédence sur yani, l'élément pour lequel on a établi cette condition-là. Et il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, et ils veulent yani, prendre pour juge le Tahout alors qu'ils ont été ordonnés, Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de renier le Tahout, alors qu'ils ont été ordonnés de renier et de rejeter le Tahout. Et il dit que malgré ça, ils veulent quand même prendre le Tahout pour juge. Et le shaytan, Iblis, la'anahullah, de même que ceux qui suivent le shaytan, parmi les shayatines humains et les shayatines parmi les djinns, ils veulent les égarer d'un égarement lointain, c'est-à-dire les éloigner de la vérité, et les éloigner de l'islam, d'un égarement qui est loin, c'est-à-dire il n'y a pas de limite ou de fin à son éloignement, un égarement qui est loin également. Donc, c'est-à-dire que celui qui préfère le jugement du Tahout au jugement de l'islam, eh bien, il s'est égaré certes, d'un égarement lointain, loin de la guidance, loin de l'islam, loin de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et yani, il dit, le cheikh, que ça comprend donc toutes les formes d'éloignement. Et le shaitan veut donc les égarer d'un égarement lointain, et malgré tout, ils ont obéi au shaitan. Ils n'ont pas obéi à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui leur a ordonné de renier le tarhout et de rejeter le tarhout. Et donc, regardez, le cheikh dit, regardez, ils ont obéi au shaitan et ils n'ont pas mis en application le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a ordonné de renier le tarhout. Et malgré ça, ils prétendent la foi. Il dit ensuite, le cheikh, hafizahullah, وانظر إلى قوله يريدون أن يتحاكموا. لم يتحاكموا إلى الآن لكن يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يعني لم يتحاكموا إلى الآن لكن يريد التحاكم إلى الطاغوت ويكفر بهذا لو لم يفعله يعني يكفر بهذا لو لم يفعله بمجرد الإرادة يكفر ولو لم يفعل والعياذ بالله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم إذا نزلت بهم مصيبة على فعلهم هذا وما أقرب العقوبة لمن فعل هذا كيف حالهم إذا نزلت بهم عقوبة على فعلهم هذا ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ما أردنا بتحكيم غيرك إلا الإحسان إلى الناس والتوفيق بينهم يقولون قصدنا حسن وقصدنا يعني يقولون قصدنا حسن ما قصدنا الكفر بك وإنما قصدنا أن نصلح بين الناس وأن نحسن إليهم بإنهاء النزاعات والعذر أقبح من الفعل هل الإحسان والتوفيق يكون بغير الشرع فعذرهم هذا أقبح والعياذ بالله مما لو فعلوا فالإحسان إلى الناس والتوفيق بين الناس إنما هو بشرع الله عز وجل لا بحكم الطاغوت نعم إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا يحلفون بالله يحلفون يؤكدون هذا بالحلف إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم وإن تظاهروا واعتذروا فإن الله يعلم السبب الذي حملهم على تحكيم الطاغوت وإن تظاهروا واعتذروا وقالوا ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا والإرادة لا تبرر والنية الحسنة لو كانت موجودة ما تبرر الباطل ولو أن الإنسان أحسن النية فكيف إذا كان كاذبا في هذا القول لو كان صادقا في أنه ما أراد إلا الإحسان والتوفيق فليس هذا بمبرر أن يعدل عن الشرع إلى غيره فكيف وهو كاذب Donc on va traduire ce passage maintenant. Qu'est-ce que le cheikh il explique? Il dit donc, regarde, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils veulent prendre pour juge, et ils n'ont même pas encore jugé, sauf qu'ils veulent prendre le tarhout comme juge. Et il dit, ils ont déjà renié la foi par cela. C'est-à-dire, même s'ils ne l'ont pas encore fait, le simple fait de vouloir fait en sorte qu'ils renient la foi, même s'ils ne l'ont pas fait. Wala'iyadu billah. Et dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils veulent prendre pour juge le tarhout alors qu'ils ont été ordonnés de renier le tarhout. Et le shaitan veut les égarer d'un égarement lointain. Et si on leur dit, venez vers ce que Allah a révélé et vers le messager, tu vois les munafiqin, qui se détourne de toi complètement. Donc comment يعني فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ En voulant dire, يعني qu'est-ce qu'ils vont faire ou qu'est-ce qu'ils vont dire s'ils sont touchés par un malheur à cause de ce que leurs mains ont préparé pour eux. Et donc, lorsque un châtiment tombe sur eux à cause de ce qu'ils ont fait, hein, eh bien, c'est ça ce qu'ils méritent par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire et dans quel état vont-ils être si ce châtiment-là tombe sur eux à cause de leurs actions? Puis, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ثم جاءوك يحلفون بالله. Puis, ils viennent vers toi et ils jurent par Allah qu'ils n'ont voulu que le bien, hein, et la réconciliation. Et yani, le cheikh il dit, il s'excuse en disant, on voulait juste, en jugeant par autre que toi, ô messager d'Allah, hein, on voulait juste le bien pour les gens et la réconciliation entre les gens. Hein. On avait une bonne intention, c'est ce qu'ils disent, hein, on avait une bonne intention, on n'a pas voulu renier ton jugement et te rejeter, hein, ou rejeter la foi en toi. Nous n'avions comme intention que de faire la réconciliation et d'amener l'accord entre les gens et de faire le bien entre eux en voulant faire en sorte que les disputes et les désaccords se terminent et cessent. Et le cheikh dit cette excuse-là est plus laide en elle-même que l'action qu'ils ont fait. Puisque le fait de vouloir le bien et le fait de vouloir l'accord, est-ce que c'est quelque chose qui est possible par autre que ce que Allah a légiféré? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut arriver au bien et à l'accord entre les gens par le fait d'appliquer ou de suivre autre que ce que Allah a révélé? Donc, cette excuse de leur part est plus laide que yani, ce qu'ils ont fait comme péché. Et donc, le fait de vouloir le bien pour les gens et de vouloir faire l'accord et la réconciliation entre les gens, eh bien, on peut uniquement y arriver de façon efficace et réelle en appliquant ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé et non pas en appliquant le jugement du Tarut. Donc quand ils disent in aradna illa ihsanan wa tawfiqa, ils disent cela en jurant, hein, et ils font des serments en essayant de confirmer ce jugement, ce serment là en essayant de confirmer ce qu'ils disent par le fait de jurer. Et le cheikh il dit in aradna, il cite le verset, ils n'ont voulu que le bien et la réconciliation, et Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux-là sont ceux que Allah connaît ceux-là sont ceux dont Allah connaît ce qu'ils ont dans le cœur. C'est-à-dire il sait ce qu'ils ont dans le cœur, même si ce qu'ils montrent à l'extérieur, même si ce qu'ils donnent comme excuse semble être le contraire, hein, ou semble être bon. Mais Allah subhanahu wa ta'ala sait réellement ce qui les a amenés à vouloir juger par le Tarut, même s'ils essaient de montrer autre chose, même s'ils essaient de s'excuser. Et ils disent, le cheikh il dit, et ils ont dit, nous n'avons voulu que le bien, nous n'avons voulu que la réconciliation. Et il dit que la réalité c'est qu'ils veulent yani, essayer de justifier leurs actions par ces excuses-là. Mais le cheikh il dit que la volonté, hein, et l'intention, la bonne intention, ça ne justifie pas. Ça ne justifie pas le fait de juger par le Tarut, même si l'intention était présente et qu'elle était bonne, ça ne justifie pas le faux. Parce que le faux restera faux. Hein? Et le fait qu'une personne ait une bonne intention, hein, ça ne justifie pas le faux. Donc même si la personne avait la bonne intention, ça ne serait pas valable et ce ne serait pas acceptable. Donc que dire lorsque la personne elle ment, hein, dans cette parole-là et qu'elle prétend, hein, qu'elle a voulu le vrai et qu'elle a voulu la réconciliation et le bien, alors qu'en réalité yani, elle ment en disant ça et que la vérité de ce qu'elle avait dans le cœur c'est qu'elle voulait plutôt le Tarut. Donc si elle était véridique dans ce qu'elle dit, même si c'était vrai ce qu'elle prétend comme excuse, hein, et qu'elle voulait le bien et la réconciliation, ce ne serait pas une justification qui serait acceptable pour justifier de juger par autre que ce que Allah a révélé et d'aller vers autre que le jugement d'Allah. Alors que dire lorsque la personne en question est en train de mentir? Et le cheikh il dit in aradna, il cite le verset in aradna illa ihsanan wa tawfiqa ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim يعني وإن حلفوا بالله أن إنهم ما أرادوا إلا خيرا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم, يعني لا تقبل منهم عذرا, فأعرض عنهم وعذهم. ليس الأمر أن تعرض عنهم وتتركهم, لا, بل لا بد من الإنكار عليهم والموعظة, لا بد من بيان أنهم على ضلال وأنهم قد انحرفوا عن الحق. أعرض عنهم, لا تقبل عذرهم, وعذهم فيما فعلوا لعلهم يرجعون أو يتوبون. فدل على أن من ارتكب خطأ ظاهرا لا يترك, بل تجب موعظته ونصيحته, بل تجب موعظته ونصيحته لعله أن يرجع أو تقوم الحجة عليه, أو تقوم الحجة عليه وتبرأ الذمة بعدم مناصحته, تبرأ الذمة بعدم مناصحته. وقل لهم في أنفسهم, يعني بينك وبينهم, قولا بليغا, يعني زاجرا وليس بقول سهل أو أسلوب فيه لين, بل قولا بليغا زاجرا, يعني يؤثر على السامع, لأنهم ارتكبوا أمرا فظيعا, فلا بد من التغليظ عليهم في القول, ولكن هذا يكون سرا بينك وبينهم. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. Donc on va expliquer maintenant que ce qu'on vient de lire. Le cheikh, il explique, il dit donc qu'ils ont prétendu qu'ils n'avaient fait ça que pour le bien et pour la réconciliation. Et le cheikh, il dit, ceux-là sont ceux dont Allah sait ce qu'il y a dans le cœur. Et même s'ils jurent par Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils n'ont voulu que le bien, et ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il sait ce qu'ils ont dans le cœur, donc n'accepte pas d'excuses d'eux. Fa'arid anhum. Allah dit, détourne-toi d'eux. Hein? Détourne-toi donc d'eux. Et c'est-à-dire n'accepte pas leur excuse. Fa'arid anhum wa'idhum. C'est-à-dire détourne-toi d'eux et exhorte-les. Fais-leur une exhortation. Donc c'est pas juste de te détourner d'eux et de les délaisser, de les laisser partir. Non. Il faut absolument aussi que tu condamnes leur action. Tu dois condamner leur action et que ce qu'ils ont fait et les exhorter. لا بد من بيان أنهم على ضلال. Donc il faut leur expliquer qu'ils sont sur l'égarement et qu'ils ont dévié de la vérité. Hein? Donc détourne-toi d'eux, n'accepte pas leurs excuses et fais-leur l'exhortation pour qu'est-ce qu'ils ont fait, pour qu'ils puissent revenir et se repentir. Et donc ça prouve que toute personne qui a commis une erreur apparente, on ne doit pas le laisser. Hein? Il faut obligatoirement l'exhorter et lui donner la nasiha, le bon conseil, pour qu'il puisse revenir, hein, ou que la preuve soit établie contre lui, et pour que ainsi on ait rempli notre engagement et notre responsabilité, hein, et qu'on ne laisse pas sans lui avoir donné le bon conseil. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset donc, وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ, dis-leur en privé, entre toi et eux, parle, lorsque tu leur parles en privé, dis-leur une parole sévère, une parole dure, pour les blâmer, hein, pour qu'ils comprennent que ce n'est pas quelque chose de facile, ou de comme si c'était rien, comme si c'était quelque chose de négligeable. Non, c'est quelque chose de sérieux, quelque chose de grave. Donc il ne faut pas que la façon ou l'exhortation soit faite avec douceur dans ce cas-là, mais il faut plutôt que la parole soit faite avec sévérité et avec fermeté, pour que cela ait un effet sur la personne qui entend l'exhortation, parce qu'elle doit comprendre que ce qu'elle a fait comme péché, c'est quelque chose de très grave, et il faut donc utiliser cette dureté et cette rudesse avec la personne dans notre parole à ce moment-là. Mais à condition, bien entendu, que cette chose-là soit en secret, c'est-à-dire que ce soit en privé entre toi et cette personne-là. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, donc, le shaykh, il répète le verset, et dit-leur entre toi et eux une parole qui est assez sévère et assez ferme. Ensuite, il continue la suite de l'explication du verset. ثم قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ففعلهم هذا معصية للرسول صلى الله عليه وسلم مع أن الواجب أن يطاع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ليطاع بإذن الله أي بشرعه بإذن الله الشرعي وإذا الله سبحانه ويعني بشرعه يعني استدير إلا ليطاع بإذن الله أي بشرعه وبإذنه بإذن الله الشرعي وإذن الله القدري وإذن الله القدري إلا ليطاع بإذن الله يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بشرع الله سبحانه وتعالى فهذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يأمر بما أمر الله به ولا يحكم إلا بما حكم الله به إلا ليطاع بإذن الله ثم قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم انظر عرض الله عليهم التوبة والاستغفار يعني ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم في مقالتهم السابقة يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وأيضا اعتذارهم الكاذب لو أنهم مع هذه الجرائم الشنيعة رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى فاستغفروه وطلبوا منك أن تستغفر لهم لوجدوا الله توابا رحيما فالله يتوب على من تاب ولو كان جرمه شنيعا وكبيرا فإن الله يغفر الذنوب ويقبل التوبة ممن تاب إلى الله فلا يقنط المجرم من رحمة الله ولا يترك التوبة والاستغفار جاءوك أيها الرسول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله يعني هم استغفروا الله وطلبوا منه المغفرة وطلبوا منك أن تستغفر لهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة واستغفاره عند الله مقبول فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما يعني كثير التوبة رحيما يعني لا يعالج بالعقوبة يعني لا يعالج بالعقوبة فهذا فيه أن من وقع في ذنب ولو كان عظيما يتوب إلى الله عز وجل والله يقبل التوبة عن عباده وأنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يستغفر له أما بعد موته فلا يطلب الاستغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الجهال أو أهل الضلال يحتجون بهذه الآية على أنهم يأتون عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الاستغفار محتجين بهذه الآية مع أن الآية إنما تعني في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بعد موته أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يطلب منه شيء لا الاستغفار ولا غيره الصحابة رضي الله عنهم لما أجدبوا ما طلبوا منه أن يدعو لهم ويستغفر لهم بل طلبوا من عمه العباس رضي الله عنه أن يدعو لهم في الاستسقاء يعني والشيخ يعني ذكر في الهامش يعني عن أنس في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فقال فيسقونا يقول بل طلبوا من عمه العباس رضي الله عنه أن يدعو لهم في الاستسقاء وهم أعلم الأمة بتفسير القرآن ولو كانوا فهموا من الآية المجيء إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا الدعاء والاستغفار منه لذهبوا إلى قبره صلى الله عليه وسلم ولما عدلوا إلى العباس لماذا عدلوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العباس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ميت والعباس حي، فالميت لا يطلب منه شيء، أما الحي فيطلب منه ما يقدر عليه، وهو الدعاء والاستغفار لغيره. فالصحابة ما ذهبوا لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، وإنما يذهبون عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه فقط. إذا جاءوا من سفر يأتون قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه وعلى صاحبيه، كما يسلمون على الأموات في المقابر. زيارة القبور للسلام عليهم مشروعة، أما طلب الحوائج منهم فهذا لا يجوز، وهذا شرك بالله، وهو شرك بالله عز وجل. نعم. Donc on va expliquer tout ce qu'on vient de lire maintenant. Le cheikh il explique, il dit. Puis ensuite le cheikh il cite donc la suite du verset 64 dans sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et nous n'avons envoyé de messagers excepté pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. Et donc le fait qu'ils ont fait ce péché là, ils ont désobéi au messager sallallahu alayhi wa sallam, et malgré tout il est obligatoire, il dit, malgré qu'il est obligatoire pour eux d'obéir au messager, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il a envoyé le messager excepté pour qu'il soit obéi par la permission d'Allah, c'est-à-dire par sa législation, et c'est-à-dire la permission d'Allah dans sa révélation, et également la permission d'Allah par la prédestination aussi, excepté pour qu'il soit obéi par sa permission, par la permission d'Allah. Et c'est-à-dire que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il ne vient que avec ce que Allah a légiféré. Et c'est pour ça que le messager, il n'ordonne que ce que Allah a ordonné. Et il ne juge que selon ce que Allah a jugé. Donc, il n'a été envoyé que pour qu'il soit obéi par la permission d'Allah. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, puis s'ils se sont fait de l'injustice à eux-mêmes, regarde comment Allah leur présente la repentance et la demande de pardon. Que s'ils venaient alors qu'ils se sont fait une injustice à eux-mêmes, dans le fait qu'ils aient dit ce qu'ils ont dit dans leurs paroles précédentes, qu'ils veulent juger par le Tarout, donc également, par rapport à leur excuse, leur excuse mensongère, lorsqu'ils ont prétendu que c'était uniquement pour la réconciliation et pour le bien. Donc s'ils veulent, après avoir fait cette injustice-là, venir demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, s'ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, ils trouveront Allah pardonneur et miséricordieux. Comme Allah il a dit, « La wajadu Allaha tawwaban rahima ». Donc il dit, le cheikh, avec tous les crimes qu'ils ont commis et les péchés qu'ils ont faits, s'ils reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils demandent pardon et qu'ils cherchent d'Allah son pardon, eh bien Allah va leur pardonner et va accepter leur repentance, même si leur crime était très grand et très laid. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne les péchés et il accepte la repentance de celui qui se repent à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut donc pas désespérer, perdre l'espoir. Lorsque quelqu'un a commis un crime, le criminel ne doit jamais perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah. Le cheikh il dit, il ne doit pas délaisser la repentance et la demande de pardon. Donc s'ils viennent vers toi, c'est-à-dire vers le messager sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils ont fait une injustice à eux-mêmes, et qu'ils viennent vers toi et qu'ils demandent le pardon d'Allah, c'est-à-dire ils viennent demander le pardon d'Allah, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur pardonner, et ils demandent à toi, c'est-à-dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de demander pardon pour eux à Allah. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il exauce le dua du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'ils viennent au messager pour demander que le messager demande pardon à Allah pour eux, Allah subhanahu wa ta'ala accepte leur invocation, son invocation pour eux. Donc il dit, c'est pour ça que dans le verset 64, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il demande pardon à Allah et que le messager demande pardon à Allah pour eux, eh bien ils trouveront Allah repentant, c'est-à-dire acceptant leur repentance et miséricordieux. Et le cheikh, il dit donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est tawwab, c'est-à-dire il accepte beaucoup la repentance. Et il est rahim, c'est-à-dire yani la yu'ajil, yani ana je me suis trompé tout à l'heure, ana قلت la yu'ajil, la yu'alij bil 'uquba al-sahih, la yu'ajil bil 'uquba rahiman la yu'ajil bil 'uquba, yani عكست الكلمة. Donc oui, c'est ça, j'ai lu la yu'alij bil 'uquba, le qu'est-ce qui est exact dans le texte, c'est la yu'ajil bil 'uquba, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux, il ne précipite pas le châtiment, hein, il est pas pressé pour châtier, hein, il donne un temps à la personne pour se repentir. Et c'est pour ça que Cheikh dit, toute personne qui tombe dans un péché, peu importe la grandeur de ce péché-là, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala accepte sa repentance. Allah subhanahu wa ta'ala accepte sa repentance et quand il lui demande pardon, hein, il accepte sa repentance de ses serviteurs. Et il dit, si c'est à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, quelqu'un va aller voir le messager à son époque, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si quelqu'un allait voir le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander de demander pardon à Allah pour lui, alors le messager va faire des doigts à Allah puis demander pardon à Allah pour la personne. Mais ça, c'est uniquement durant sa vie, pendant que le messager sallallahu alayhi wa sallam est vivant. Toutefois, après la mort du messager sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas permis de demander pardon, hein, au messager pour nos péchés, hein, c'est-à-dire de demander pardon dans le sens que on demande au messager de faire des doigts pour nous et de demander au messager de demander pardon pour nous. On n'a pas le droit de demander au messager de demander pardon pour nous après sa mort, parce que ça, c'est du shirk billah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un va par exemple, comme le cheikh dit, à certains ignorants et des gens de l'égarement, ils essaient d'utiliser ce verset là comme preuve ou comme justification pour le fait d'aller à la tombe du messager sallallahu alayhi wa sallam et demander au messager de demander pardon pour nous, et bien le cheikh il dit, hein, ça c'est pas permis, puisque quand on regarde le verset, c'est uniquement par rapport à la vie pendant la vie du messager sallallahu alayhi wa sallam, que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et s'il venait vers toi pour que tu demandes pardon à Allah pour eux, ça c'est pendant sa vie, hein. Et le cheikh il dit, mais par contre après sa mort, hein, ça c'est pas permis, parce qu'on n'a pas le droit de demander quoi que ce soit aux morts, hein, ni demander le pardon ni autre chose, hein. Donc on n'a pas le droit de demander à un mort quoi que ce soit, même si c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et les sahaba radiyallahu anhum, lorsqu'ils étaient dans des périodes de sécheresse et qu'il y avait il n'y avait pas de pluie, hein, ils allaient voir le messager sallallahu alayhi wa sallam pendant sa vie et ils demandaient au messager sallallahu alayhi wa sallam de faire des doigts pour eux et de demander pardon à Allah pour eux, hein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait al-istisqa, hein, pour les sahaba, hein, et pour les gens, pour que la pluie tombe. Mais après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils allaient voir par exemple l'oncle du prophète, hein, Al-Abbas radiyallahu anhu, et ils demandaient à Al-Abbas de faire des doigts pour eux, hein. Ils ne demandaient pas au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Et comme c'est mentionné dans Sahih al-Bukhari selon Anas, que Omar ibn al-Khattab, il dit, lorsque les gens, hein, Omar, lorsque les gens étaient dans la sécheresse, il demandait à Al-Abbas de faire l'istisqa pour eux, et il disait, oh Allah, durant la vie du messager sallallahu alayhi wa sallam, on faisait le tawassul par notre prophète, c'est-à-dire on demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire des doigts pour nous et tu nous donnais la pluie. Mais maintenant que le messager sallallahu alayhi wa sallam est mort, eh bien nous faisons le tawassul par l'oncle de notre prophète, c'est-à-dire Al-Abbas, hein, en voulant dire on demande maintenant, hein, que tu nous donnes la pluie par l'invocation de l'oncle de notre prophète Al-Abbas pour qu'il fasse dua pour nous, pour que tu fasses tomber la pluie. Et Abbas se levait et faisait le dua, et Allah subhanahu wa ta'ala faisait tomber la pluie. Donc le cheikh il dit, ça c'est, hein, l'action des sahaba après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils connaissaient mieux l'interprétation du Coran que nous, hein. Il dit que si ils avaient, si par exemple la compréhension du messager, si la compréhension du verset c'était de venir voir la tombe du messager sallallahu alayhi wa sallam après sa mort, pour demander au messager après sa mort de demander le pardon ou quelque chose d'autre, eh bien les sahaba l'auraient fait, hein, ils ne seraient pas allés voir Al-Abbas, hein, pour demander que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la pluie, ou leur demande, pour demander quoi que ce soit d'autre, hein, ils seraient allés directement à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le fait qu'ils n'ont pas été à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils ont préféré demander à l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était vivant, hein, pourquoi ont-ils délaissé le messager sallallahu alayhi wa sallam et sont-ils allés vers Al-Abbas alors que ils auraient pu aller à sa tombe? Et bien ça c'est la preuve que on n'a pas le droit de demander quoi que ce soit à quelqu'un une fois qu'il est mort, hein. On n'a pas le droit de demander quoi que ce soit à quelqu'un une fois qu'il est mort, et y compris le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et les sahaba l'avaient très très bien compris, et c'est pourquoi ils n'étaient pas allés justement demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa tombe, mais plutôt ils ont demandé à son oncle qui était vivant de faire l'istisqa pour eux, et c'est ce qu'il a fait. Donc le cheikh il dit, parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam était mort et Al-Abbas était vivant, et donc le mort on ne lui demande rien du tout, et tandis que celui qui est vivant, hein, et qu'il est présent, eh bien on peut lui demander, hein, ce qu'il est capable de faire. Et le dua et la demande de pardon pour quelqu'un d'autre, ça fait partie de ce qu'il est capable de faire, hein, parce qu'il est vivant. Donc les sahaba ne sont pas allés à la tombe du messager sallallahu alayhi wa sallam après sa mort, mais ils sont allés, hein, à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam uniquement pour faire le salam sur lui seulement, et rien d'autre que ça. Hein, quand il devait passer en revenant d'un voyage, par exemple, s'il revenait d'un voyage, hein, il passait vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le salam sur lui et sur ses deux compagnons, Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma, et il faisait le salam sur eux, comme il faisait le salam aussi pour les morts dans le cimetière, en visitant le cimetière, ils font le salam. Comme c'est légiféré dans le dua, Assalamu alaykum ahla al-diyar min al-muslimin wal-mu'minin wa inna insha'allahi bikum lahiqoon nasarullah lana wa lakum al-afiya. Hein, tu dis paix sur les habitants de ces demeures et parmi les croyants, les musulmans, et inshallah nous allons bientôt vous rejoindre. On demande à Allah pour nous et pour vous le pardon. Hein. Donc ça c'est le dua qui est légiféré pour quand on va visiter la tombe et les cimetières, on fait le salam. Mais ça s'arrête là. On va pas demander quoi que ce soit aux morts. On va pas leur exiger d'eux ou demander d'eux quoi que ce soit, puisque ça c'est de dépasser la limite. C'est de dépasser la limite de ce qui est permis. Le cheikh il dit également, donc il dit, donc de leur demander quoi que ce soit, eh bien ça par contre ça, ce n'est pas permis. Et même que c'est du shirk billah, hein, wa huwa shirkun billah azza wa jal. Il dit ensuite le cheikh aydan, lafz al aya yadullu ala anna al dhahab ila qabrihi lil istighfar la yajuz. Limadha? Li'annahu qala idh zalamu anfusahum wa idh dharf dharfun لما مضى من الزمان ولم يقل إذا ظلموا أنفسهم لأن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان ففرق بين إذ وإذا ولفظ الآية Donc le cheikh il dit, وَأَيْضًا لَفْظُ الْآيَةِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الذَّهَابِ إِلَىٰ قَبْرِهِ لِلْإِسْتِغْفَارِ لَا يَجُوزُ لماذا؟ لأنه قال إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ يعني وَإِذْ ظَرْفٌ لِمَا مَضَى مِنَ الزَّمَانِ وَلَمْ يَقُلْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ لِأَنَّ إِذَا ظَرْفٌ لِمَا يَسْتَقْبَلْ مِنَ الزَّمَانِ فَفَرْقٌ بَيْنَ إِذْ وَإِذَا ولفظ الآية إذ ظلموا أنفسهم يعني فيما مضى لا في المستقبل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال عز وجل في ختام الآيات مقسما بنفسه سبحانه وتعالى Donc on va expliquer ce point-là en premier, puis après on lira la suite. Le Cheikh il dit, donc le verset, dans le verset il y a aussi une preuve que d'aller à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander pardon, c'est pas permis. D'aller à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander pardon, c'est pas permis. C'est-à-dire pour que demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander pardon à Allah pour nous, c'est pas permis. Pour quelle raison? Encore plus clairement, c'est que dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ إِذْ dans la langue arabe, le cheikh explique que c'est une préposition pour le passé, pour qu'est-ce qui est arrivé dans le passé. Donc ça voudrait dire, yani, que si ils se sont fait du tort dans le passé, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah leur dit, si vous avez fait du tort à vous-même, donc, c'est-à-dire pour les péchés passés, et non pour les péchés futurs. Si c'était pour les péchés futurs, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas dit « id », mais il aurait plutôt dit « idha dhalamu ». Parce que « idha », c'est une préposition pour l'avenir. Tandis que « id », c'est pour le passé. Donc ça, c'est un exemple de subtilité dans la compréhension des versets qui nous aide justement à comprendre et à éviter justement de tomber dans l'erreur ou dans l'égarement par rapport à des choses comme ça. Donc, id, c'est par rapport aux choses qui se sont produites dans le passé. Quelqu'un qui s'est fait du tort à son âme auparavant. Et à ce moment-là, il pouvait aller au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voir le messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala, pour que le messager demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le pardonner. Tandis que si c'est des choses, des péchés futurs, non, c'est pas le cas. Et ça prouve que c'est pas permis d'aller après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam demander quoi que ce soit au messager sinon Allah subhanahu wa ta'ala il n'aurait pas dit idh mais il aurait dit idha et en plus on aurait vu l'exemple des sahaba qui auraient été les premiers à mettre cela en application et les premiers à aller à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam sauf que on n'a jamais vu aucun d'entre eux faire ce genre de choses et on sait donc que de faire ce genre de choses c'est complètement interdit. Ensuite le cheikh il explique le dernier verset qui est le verset 65 dans sourate An-Nisa, il dit fala wa rabbika, il cite le verset thumma qala azza wa jalla fi khitam al-ayati muqsiman bi nafsihi subhanahu wa ta'ala fala wa rabbika la yu'minun هم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من قبل فلا وربك لا يؤمنون وهذا رد عليهم لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيما هذا عام في جميع الشجارات والاختلافات كلها يعني ترد إلى الله وإلى الرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ما نتحكم إلى الشريعة في الأحوال الشخصية فقط كما في كثير أو في كل البلاد الإسلامية إلا ما شاء الله ما يحكمون الشريعة إلا في الأحوال الشخصية في المواريث في والأنكحة أما المعاملات وأما العقائد فلا يحكمون الشريعة ولا يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم, يعني في أي شيء شجر بينهم, في العقائد, في الخصومات, في الأموال, في جميع المنازعات, كلها ترد في الكتاب والسنة. Donc le cheikh il dit ici que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala termine cette série de versets en jurant par lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala jure par lui-même et il dit non, par ton Seigneur ils ne seront pas croyants, c'est-à-dire ils prétendent qu'ils ont cru en ce qui a été révélé sur toi, c'est-à-dire sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui a été révélé auparavant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit non, ils ne seront pas croyants. Donc Allah les réfute et il leur répond en disant non, par ton Seigneur ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils t'aient pris toi, ô Muhammad, comme juge dans toutes les discordes ou les désaccords ou les conflits qu'ils ont entre eux. Et le cheikh il dit que ça c'est général, fima c'est général pour tous les désaccords et les divergences. Hein? Ils doivent toutes les ramener à Allah et à son messager. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Donc, c'est-à-dire, dans toute dispute ou désaccord, vous devez la renvoyer et la ramener à Allah et à son messager. Et dans le verset 59, il disait, et si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah ou ramenez-le à Allah et à son messager. Le cheikh il dit, on ne va pas juger par la sharia uniquement dans le code civil, hein, dans les affaires qui ont rapport avec les questions personnelles ou les questions familiales, le code de statut personnel, ou bien par exemple les questions familiales, les questions qui ont rapport avec l'héritage, hein, et le mariage. Le cheikh il dit dans la plupart des pays, sinon presque tous les pays excepté ceux que Allah a voulu, ils jugent par la législation divine et par la sharia uniquement dans les questions qui ont rapport avec le code de la famille ou les choses qui ont rapport avec l'héritage et les choses de ce genre. Tandis que les interactions entre les gens, que ce soit commercial, économique ou dans les questions qui ont rapport avec les croyances religieuses, ils ne jugent pas selon la sharia et ils ne reviennent pas au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ, c'est-à-dire dans n'importe quelle question dans laquelle vous avez un désaccord, que ce soit dans les croyances, que ce soit des disputes, hein, dans les questions d'argent, dans les conflits que vous avez, dans n'importe quel autre sujet, tout cela doit être ramené à Allah et à son messager, c'est-à-dire au livre et à la sunna. Et le cheikh il continue en disant فَلَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَالشِّجَارُ هُوَ الْإِخْتِلَافُ وَالتَّنَازُعُ ولا يكفي هذا أيضا ما يكفي أنهم يحكمونك فيما شجر بينهم بل لا بد أن لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وأن يرضوا بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ويقتنعوا بذلك اقتناعا تاما ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت أما الذي يجد في نفسه كراهية لحكم الله ورسوله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بمؤمن هذا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت بل يعتقدون أنه هو الحق وأنهم مخطئون لا بد من هذا ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما حرجا فكيف إذا تكلموا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا يعني فكيف إذا تكلموا وقالوا ما نرضى بهذا ونريد حكما غيره هذا أشد والعياذ بالله إذ كانوا في أنفسهم لا يؤمنون. إذا كانوا في أنفسهم لا يؤمنون، إذا وجدوا شيئا من الشك أو من الحرج في حكم الله ورسوله، فكيف إذا تكلموا أو كتبوا؟ الأمر أشد. ويسلم تسليما أيضا، لا بد من التسليم والانقياد التام لحكم الله ورسوله وعدم الممانعة والمماطلة وتطويل الخصومة لأجل إبطال حق الخصم أو التباطؤ به. لا بد من التسليم والانقياد وإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم التي حكم الله ورسوله بها لهم من غير مماطلة وتباطؤ وإتعاب للخصم. Donc le cheikh il explique que ensuite il dit donc Allah il dit non, ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'il t'ait pris toi ô Muhammad comme juge dans tous les désaccords et les disputes qu'ils ont entre eux. Et les yani fi ma shajara ash-shijar, il dit le cheikh, ça c'est les divergences et les disputes et les désaccords. Et il dit donc que ça c'est même pas suffisant encore, puisque dans la suite du verset Allah subhanahu wa ta'ala il dit que c'est pas suffisant qu'ils te prennent comme juge dans les disputes qu'ils ont entre eux, même qu'il ne faut pas qu'ils trouvent en eux-mêmes aucune gêne par rapport à ce que tu auras décrété, et ils doivent être satisfaits du jugement d'Allah et du jugement du messager et être convaincus complètement de ce jugement-là, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du verset, puis ils ne trouvent en eux-mêmes aucune gêne par rapport à ce que tu auras décrété. Donc celui qui trouve en lui-même une gêne ou qui trouve déplaisant le jugement d'Allah et de son messager, alors il dit celui-là il n'est pas croyant, parce que yani Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 9 dans sourate Muhammad, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُ مَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Il dit ceci parce qu'ils ont détesté ce que Allah a révélé, alors Allah a rendu leurs œuvres vaines. Et le cheikh il dit ensuite donc ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. Donc ils n'ont trouvé en eux-mêmes aucune gêne de ce que tu auras décrété, c'est-à-dire ô toi Muhammad. Bal, il dit même que ils doivent croire que c'est la vérité, et que eux sont dans l'erreur, et ça c'est nécessaire, c'est absolument obligatoire. Et le cheikh il dit ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. Donc ça c'est qu'ils trouvent un inconfort ou une gêne en eux-mêmes, ou qu'ils trouvent déplaisant le jugement d'Allah, ou ils ne sont pas d'accord avec le jugement d'Allah. Ça c'est lorsqu'ils ne le disent pas avec leur bouche, ils font juste le ressentir en eux-mêmes, et malgré tout Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet ce qu'il dit par rapport à ça, parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Mais que dire lorsqu'ils parlent et lorsqu'ils expriment cette gêne? C'est encore plus grave, le cheikh il dit. Si ils disent non, on n'est pas satisfait de ça, nous on veut pas ce jugement-là, on veut un autre jugement, ça c'est encore plus grave. Wal'iyadhu billah. Et donc, si c'était en eux-mêmes qu'ils ne croyaient pas, et qu'ils trouvaient en eux-mêmes un doute ou une gêne quelconque par rapport au jugement d'Allah et de son messager, ça ce serait déjà grave, et ce serait un signe qu'ils ne sont pas des croyants. Alors que dire de la personne qui parle et de celui qui écrit et qui exprime cette gêne qu'il ressent, ou bien le fait qu'il n'aime pas ou qu'il n'accepte pas le jugement d'Allah? Donc ça c'est encore beaucoup beaucoup plus grave. Et il dit à la fin du verset وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit ils doivent s'y soumettre à entièrement et complètement, c'est-à-dire qu'ils doivent s'y soumettre, se soumettre au jugement d'Allah et de son messager de façon complète et totale, et ne pas disons s'abstenir ou se retenir ou bien attendre longtemps pour exécuter ou bien pour accepter le décret d'Allah et de son messager pour prolonger la dispute et le désaccord dans le but d'annuler le droit de son opposant ou bien la personne qui avec qui il a le conflit. Il y a des gens comme ça, des fois ça ce qu'ils font, ils savent que la personne avec qui il a le conflit, elle a raison, c'est elle qui a gagné, mais ils font exprès pour prolonger le procès et les procédures pour justement que la personne se fatigue et puis à la fin que avec le temps elle n'a pas son droit. Donc ça c'est ça le problème, et ça c'est quelque chose de grave aussi. Exactement, subhanallah. Des fois, c'est ça, oui. Quand tu vois quelqu'un, il attend 5 ans, par exemple, 5 ans, 6 ans, même des fois plus que ça, pour qu'il reçoive son droit. Yani. Alors, à partir de ce moment-là, yani, après tout ce temps-là, la personne, elle avait besoin de son droit. Au moment de l'injustice, mais avec le temps qui est passé et tout, puis après même, il y en a des cas où j'ai entendu où on a fait attendre la personne pendant des années à prolonger le procès, prolonger, jusqu'à ce que par la suite on lui a donné gain de cause, et après ils vont même aller en appel maintenant pour encore une fois remettre en question certains points. Puis c'est comme si on dirait que donc c'est ça le moment par la وتطويل الخصومة لأجل إبطال حق الخصم. Donc tout ça c'est dans le but de ralentir les procédures, de prolonger les procédures, de prolonger le procès, et donc à la fin finalement les personnes qui ont été brimées dans leurs droits, ils ne reçoivent pas qu'est-ce qui leur revient, parce que peut-être qu'ils sont morts ou bien peut-être que le temps a passé, puis finalement disons que à la fin en tout cas, c'est pour dire, ça, tout ça, c'est le signe de la personne qui n'est pas convaincue, qui ne s'est pas soumise, qui n'a pas accepté le jugement de son messager. Donc, c'est ça, en fait, pour dire que il faut qu'il y ait une soumission, une acceptation du jugement d'Allah, et de donner aux gens à qui les droits reviennent, leurs droits, que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont établi pour eux, et ne pas retarder ou prolonger et fatiguer, les personnes qui ont été brimés. Et le cheikh dit الشاهد من الآيات أنه لا بد من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل خلاف وفي كل نزاع والصدور عما حكم به صلى الله عليه وسلم وقبول ذلك والتسليم له دون غيره من الناس لا أصحاب الطرق الصوفية ولا اليهود ولا النصارى ولا القوانين الوضعية ولا غير ذلك. Donc le cheikh dit qu'est-ce qu'on veut tirer de ce verset là pourquoi Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il a cité ces versets dans ce contexte dans Al-Furqan. Il dit que c'est pour expliquer qu'on doit absolument juger selon le jugement du messager sallallahu alayhi wa sallam dans toutes les divergences et dans tous les désaccords, et se baser sur le jugement du messager sallallahu alayhi wa sallam, et nous devons l'accepter et nous soumettre à son jugement sans en dehors de tout autre jugement parmi le jugement des hommes ou paroles des hommes. Et on ne doit pas non plus se référer ni aux gens des Turuq Soufiya, ni aux juifs, ni aux chrétiens, ni aux lois faites par l'homme, ni à n'importe quel autre système ou loi, mais uniquement au jugement du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il dit, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit ensuite, wa kullu man khalafa shay'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam muqallidan fi dhalika liman yadhunnu annahu waliyyun waliyullah fa innahu bana amrahu ala annahu waliyyun lillah وأن ولي الله لا يخالف في شيء لا يخالف في شيء ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله كأكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يقبل منه ما خالف الكتاب والسنة. Donc le cheikh il dit, toute personne qui contredit quoi que ce soit de ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a ramené en suivant aveuglement celui que cette personne-là pense être un wali d'Allah, hein, parce qu'ils pensent que yani, étant donné que c'est un wali d'Allah, et donc le wali d'Allah, on ne peut pas, il ne peut pas contredire la vérité dans quoi que ce soit. Et le cheikh, il dit, donc même si cette personne faisait partie des grands parmi les awliya d'Allah et des grands parmi les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis dans le bien, eh bien on ne pourrait accepter de quoi que ce soit de ce qui contredit le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh, il dit, هذا سبق هذا سبق وأعاد الشيخ رحمه الله بعد الآيات أنه لا أحد يطاع فيما خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان من أولياء الله. الصحابة هم أعظم أولياء الله بعد الرسول بعد الرسل. ومع هذا من خالف قوله قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم عن اجتهاد منه خالف اجتهاده الصواب فإنه لا يؤخذ به ولو كان عمر بن الخطاب أو أبا بكر أو غيرهم من الصحابة لا يؤخذ بقوله إذا خالف الكتاب والسنة ولو كان مجتهدا وإلا فإن الصحابة ما يتعمدون المخالفة هم يجتهدون يعني وهم ليسوا معصومين. المجتهد يخطئ ويصيب من الصحابة وغيرهم فلا يقبل من خالف الحق من الصحابة فكيف بغيرهم ممن يدعون أنهم أولياء وأن الولي لا يخالف أمره أو لا يخالف أمره. أفضل الأولياء هم الصحابة ومع هذا إذا خالف قولهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اجتهاد منهم والتماس للحق لكن لم يصيبوه فإنه لا يجوز قبول قولهم. ولهذا لما حصل خلاف في فسخ الحج إلى العمرة ومنع من ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أنه لا يجوز فسخ الحج إلى العمرة قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر يعني تأخذون برأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في عدم فسخ الحج إلى العمرة وتتركون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة ثم يحرموا بالحج بعد ذلك فيكونوا متمتعين فلا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. Donc le cheikh il explique, ensuite il dit, Cheikh Al-Fawzan, donc on a déjà expliqué ça, et le cheikh il l'a répété maintenant après avoir mentionné les versets de Sourate An-Nisa qu'on a cités. Il dit, parce que personne ne peut être obéi dans ce qui contredit le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, même s'il fait partie des awliya d'Allah. Et les sahaba sont les plus grands parmi les awliya d'Allah après les messagers. Et il dit, et malgré ça, quiconque d'entre eux contredit, quiconque d'entre eux a une position qui contredit la parole d'Allah et de son messager par ijtihad qu'il a fait, c'est-à-dire il a fait un effort pour essayer d'avoir le jugement qui est en accord avec la vérité, et que dans son jugement il s'est trompé et que il a fait une erreur, eh bien on n'a pas le droit de prendre sa position, même si c'est Omar ibn al-Khattab ou Abu Bakr ou d'autres parmi les sahaba, on n'a pas le droit de prendre sa parole s'il contredit le Coran et la Sunna, c'est-à-dire il a contredit le Coran et la Sunna par ijtihad. Pourquoi on dit par ijtihad? Parce que les sahaba ne vont pas volontairement contredire le Coran et la Sunna, mais par erreur dans leur jugement, en recherchant la vérité, ils peuvent se tromper parce qu'ils ne sont pas infaillibles. Et donc la personne qui est mujtahid, il fait un effort Donc il peut avoir raison comme il peut se tromper. Et que ce soit les sahaba ou autres, on n'a pas le droit d'accepter leur position ou leurs paroles quand ils contredisent la vérité. Alors si c'est le cas pour les sahaba, qu'on n'accepte pas de quoi que ce soit si c'est contraire à la vérité, alors que dire des autres parmi ceux que les gens prétendent être des awliya, hein, que le wali par exemple, on ne peut pas contredire son jugement ou son ordre. Non, hein, les meilleurs awliya c'est les sahaba. Et malgré ça, s'ils contredisent la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam par ijtihad, hein, par un effort qu'ils ont fait pour essayer de trouver la vérité, puis qu'ils ont fait une erreur dans leur jugement, eh bien, on n'a pas le droit, hein, de suivre leur position ou leur parole. Hein. Comme c'est arrivé lorsqu'il y avait une divergence au sujet de la question, est-ce qu'on a le droit de transformer notre hajj en umrah? Lorsque quelqu'un, il s'en va par exemple pour faire le hajj, et que il fait son hajj, il y a différents rites qui sont prescrits. Il y a le hajj tamattu', il y a le hajj qiran, il y a al-ifrad. Donc si quelqu'un il va dire par exemple il fait le hajj qiran, il fait la umra et le hajj ensemble, donc il y en a qui étaient partis avec cette intention de faire le hajj et la umra ensemble, donc quand ils sont arrivés à Mecca, ils ont fait ils ont mis l'ihram, ils ont fait le tawaf, ils ont fait le sa'i, hein, ils ont complété les rites de la umra. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de transformer leur hajj en umra et d'enlever leur ihram et de le remettre plus tard lorsqu'ils vont faire le hajj, et ils ont fait ça. Puis par la suite, Abu Bakr et Omar ont interdit de le faire et ils ont dit c'est pas permis de transformer ton hajj en umra. Et Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit j'ai peur que des pierres tombent du ciel sur vos têtes, hein, alors que je vous dis le messager d'Allah a dit vous pouvez le faire, vous me dites non. Abu Bakr et Omar ont dit, comment vous pouvez vous objecter à ce que je vous dis en parlant du messager sallallahu alayhi wa sallam, en utilisant comme argument la parole de Abu Bakr et Omar? Est-ce que vous voulez mettre la parole d'Abu Bakr et Omar au-dessus de la parole du messager d'Allah? Donc c'est ça en fait le point. Et le cheikh il dit, donc c'est-à-dire on peut pas prendre l'opinion d'Abu Bakr et Omar, même si on a le respect pour Abu Bakr et Omar et qu'on aime Abu Bakr et Omar parce que c'est les plus grands parmi les awliya d'Allah et les plus savants parmi les sahaba, hein, sauf que ils peuvent se tromper dans un ijtihad s'ils ont fait un ijtihad et qu'ils se trompent. Et donc le cheikh il dit, hein, vous prenez Abdullah ibn Abbas, il voulait dire, hein, que vous prenez la position ou l'opinion de Abu Bakr Omar radiallahu anhuma, du fait que, en disant que c'est pas permis de changer votre hajj en umrah, et vous délaissez la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est celui qui lui-même a ordonné aux sahaba, hein, lorsqu'ils ont fait le tawaf et le sa'i, de sortir de leur ihram et de transformer leur hajj en umrah, puis de faire l'ihram plus tard pour le hajj après cela. Donc de devenir mutamatti'in, de faire le hajj tamattu'. Donc il n'y a pas de position ou de parole pour quiconque une fois qu'on a la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, et peu importe de qui il s'agit. Hein, peu importe de qui il s'agit. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui inshallah, et on continuera la suite demain bi'ibnillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.